mais tu vois, je ne sais pas vraiment comment te les dire, excuse-moi. J'ai commencé par te jurer qu'il n'y a pas d'autre fille, je ne t'ai jamais menti. De ce côté-là, je suis clean, rassure-toi. Je vais t'expliquer un peu mon ressenti depuis des mois. Plus de love que du jeu d'acting cinéma. C'est dur à dire, mais je dois partir pour me sentir mieux. Je comprends si tu dis que je te dégoûte et t'es pas préparé. Je crois que moi-même je me dégoûte. J'y pense sans arrêt, mais pour mon cœur y'a plus aucun doute. Je dois m'en aller parce que c'est mieux comme ça. Ni la force ni l'envie de continuer de te mentir, mon bébé. Je réalise qu'il n'y a plus d'avenir. Je ne t'aime plus. Nah. T'aime plus. Et pourtant je te jure que j'ai essayé, mais je ne t'aime plus. Oh, oh, oh, yeah. Et je suis là à me casser la tête, à trouver un synonyme de je ne t'aime plus. Ah, je ne t'aime plus. Je vais sûrement devenir le petit bâtard qui t'a blessé. Entrer dans la case des hommes que tu rêves d'effacer. Et même si je deviens ton pire ennemi, je ne peux plus me retenir. Fiction du respect. J'ai essayé mais ça fait 4, 5, 6 coups d'essai. Je veux me réveiller, je veux sortir de ce film. Il est temps d'en finir. C'est pas parce que tu es mauvaise, non. C'est moi qui ne tiens pas tout. T'as fait ce qu'il fallait mais j'irai pas jusqu'au bout. Et je le sais, au fond de moi je le sais. Je vais te faire souffrir, hey, yeah. J'ai ni la force ni l'envie de continuer de te mentir, mon bébé. Je réalise qu'il n'y a plus d'avenir. Plus je me lasse, je ne ressens plus rien quand je t'embrasse. Et plus le temps passe, plus je me lasse, je ne ressens plus rien. Et tic-tac, plus le temps passe, plus je me lasse, je ne ressens plus rien quand je t'embrasse. Plus le temps passe, plus je me lasse, je ne ressens plus rien.